7h30 minutes, les matins éphémères se poursuivent. C'est mardi aujourd'hui. On est le 20 septembre et on a une belle émission qui s'en vient. Allons-y avec la chronique de Raymond Poirier. Bonjour Raymond. Bonjour. Ce matin, tu as un invité, Alain Aviaud, qui est professeur au département de sciences géomatiques de l'Université Laval, qui est au bout du fil. Bonjour Monsieur Aviaud. Bonjour, bon matin. Bon matin à vous. Raymond, je te laisse parler je vais te laisser débuter l'entrevue parce qu'on va parler d'une conférence qui va être donnée lors des rencontres du numérique. Ça va se passer à la bibliothèque Gabriel Leroy, une conférence intitulée « La cartographie au service des enjeux socioculturels ». Exactement, c'est une conférence qui amène une thématique qui est quand même assez intéressante et dont on entend relativement peu parler, j'ai l'impression. C'est l'idée de la cartographie culturelle ou de la géomatique culturelle. Alors, j'avais envie de mettre un peu la table autour de cette conférence-là et d'inviter nos auditeurs et auditrices à explorer cette thématique-là en compagnie du professeur Aviaud qui donnera la conférence. Et monsieur Aviaud, je vous lance peut-être d'abord, commençons par des définitions. Là, quand on parle de cartographie culturelle, de géomatique culturelle, de quoi parle-t-on peut-être un peu plus précisément? Donc, évidemment, la cartographie, tout le monde est conscient. Bon, une carte, on sait tous ce qu'est une carte. On en utilise de plus en plus maintenant sur l'ordinateur, hein, avec les interfaces dans les voitures, etc., pour se déplacer sur le territoire. La cartographie culturelle, c'est tout simplement l'usage de la cartographie pour valoriser les attraits culturels d'un territoire, mettre en valeur toute cette dimension culturelle, artistique et autres des territoires. Et j'imagine que quand on veut mettre en valeur à travers la cartographie, il faut aussi l'explorer, donc ça nécessite un bon travail préalable, soit fait par la communauté elle-même, soit fait par des gens qui sont d'accord avec la communauté. Effectivement. En fait, l'intérêt de la cartographie culturelle, c'est la participation aussi des acteurs de la culture, des acteurs de l'industrie de la culture, les artistes et autres, à mettre de l'avant, justement, cette cartographie. C'est-à-dire, on parle un peu d'une cartographie participative, c'est-à-dire elle participe à la mise en valeur des territoires en lien avec les intérêts qu'ils ont sur le plan culturel, sur le plan artistique. Donc, il existe à l'heure actuelle beaucoup, beaucoup de produits de ce type, mais maintenant, il n'y a rien de structuré. Et les gens ont besoin un peu plus d'être guidés à ce niveau-là et de se familiariser un peu plus avec ce genre d'outils. Oui, parce qu'on parle d'outils participatifs. En fait, il faut dire, avec le numérique, ben les outils cartographiques à l'image des outils cinématographiques et d'autres outils sont de plus en plus accessibles. Donc, ça devient de plus en plus facile d'en faire. Mais comme vous dites, en fait, si c'est déstructuré, c'est que les gens le font chacun à leur manière plutôt que d'avoir une espèce de maître étalon, si on peut dire, qui permettrait d'intégrer cette approche de cartographie culturelle de manière plus large et plus systématique peut-être. En fait, il faut un certain encadrement pour s'assurer de la qualité de l'information, de l'accessibilité de cette même information. Il faut valider tout ça aussi. Aujourd'hui, hein, avec des outils comme Google Earth, sans faire la publicité de ces outils, sont des outils qui tout le monde utilise. On peut même concevoir sa propre carte, ses itinéraires de voyage et autres. Mais évidemment, personne ne valide cette information. Hein. On intègre l'information. C'est un peu comme les gens qui utilisent Facebook, qui mettent de l'information sur Facebook. Personne derrière vient valider tout ça. Donc, ce qui est important, ça prend une structure d'encadrement, ça prend une forme de méthodologie, d'éthique reliée à l'information qu'on va placer en ligne, de manière à ce que les gens qui vont exploiter ces outils puissent être un peu rassurés sur la qualité et la véracité de ces données. Et peut-être, en fait, question de voir qu'est-ce que ça donne du côté terrain, Alain Aviaud, avec vos collègues du département de sciences géomatiques de l'Université Laval. Vous avez fait quelques projets de recherche pour expérimenter justement avec des structures de cartographie culturelle du genre dont on parle. Vous en avez fait en France, mais plus proche de chez nous, vous en avez fait aussi du côté de la côte de Beaupré. Oui, du côté de la côte de Beaupré, on a travaillé avec le circuit des créateurs. On a essayé de voir dans quelle mesure on pourrait valoriser justement ce circuit. Donc, essentiellement, c'est de géolocaliser sur le territoire l'ensemble des activités culturelles, la présence des artistes, les galeries, donc et de faire en sorte que les gens puissent naviguer maintenant sur cette même cartographie et faire ses propres parcours. Ça permet aussi de visualiser l'information associée à chacune de ces entités-là. À titre d'exemple, lorsqu'on circule, par exemple, sur Google Earth, et puis on a envie de faire un voyage à Québec, par exemple, c'est sûr que en cliquant sur la ville de Québec, on peut parcourir avec les outils de Google comme si on naviguait sur la rue et on peut voir les différents bâtiments. Donc la cartographie culturelle, c'est un peu dans le même optique. C'est-à-dire que on met en valeur des éléments à trait culturel, patrimonial. Ça peut être à ce moment-là à la fois des œuvres d'art, à la fois du paysage, des sons même, des écrits. Et l'idée, c'est de structurer le tout de manière à ce que tout soit géolocalisé à l'endroit où ces éléments-là se retrouvent. Et l'important, c'est que les gens puissent participer à la mise en place de ces informations, voire même les moduler, les modifier, les mettre en valeur. Donc, une forme de mise à jour continuelle que les gens peuvent faire. Donc, ça nécessite la participation d'artistes, d'écrivains, de la communauté. Ça, c'est à la base. C'est à la base. Ouais, ouais. En fait, la cartographie culturelle, ce n'est pas juste les citoyens qui participent, c'est avant tout la communauté culturelle, les artistes, les écrivains et autres. Moi, j'ai toujours tendance à dire, c'est comme une page web territoriale où à ce moment-là, ils peuvent mettre en valeur leurs travaux, peuvent mettre en valeur ce qu'ils sont, et c'est une forme de publicité en même temps. Oui, dans le fond, on ouvre la carte, on ouvre l'outil et on voit, OK, il y a, exemple, une grande concentration d'artistes, de centres d'artistes dans tel endroit, sur telle artère, dans telle autre zone, il y a des éléments du patrimoine immatériel qui sont à surveiller, etc. Et là, on peut voir un peu des lieux menacés, des lieux à valoriser, on peut découvrir des enjeux, dans le fond, découvrir d'une certaine manière un portrait culturel du territoire. Oui, parce que si je prends des exemples, en France, on a travaillé avec ces questions-là. Il y a même des applications sur les téléphones intelligents qui signalent, par exemple, aux gens qui sont en voiture, vous approchez maintenant d'un lieu culturel. Et sur leur téléphone, ils ont un petit signal. Évidemment, on n'utilise pas un téléphone en conduisant, mais maintenant, avec les écrans déjà intégrés dans les voitures, bien, les gens peuvent, à ce moment-là, visualiser le chemin à suivre pour se rendre à tel endroit. Donc, c'est ce genre d'outils interactifs qui permet à ce moment-là d'avoir un contact avec un territoire qui, normalement, avec une carte conventionnelle ou avec tout simplement un système de navigation conventionnel, les gens passeraient à côté de ces éléments-là. Donc, ils ont un signal parce qu'ils rentrent dans une zone, et dans cette zone-là, on a un ensemble d'informations qui s'affichent à l'écran. Par exemple, ça, c'est un exemple. Ça peut être la même chose pour quelqu'un qui circule et qui sur son téléphone ou sa tablette, voit afficher à ce moment-là de l'information dans le lieu où il se trouve pour pouvoir prendre contact avec ce lieu-là, qui est parfois est impossible avec une carte conventionnelle ou des outils déjà existants. Donc, c'est en création, hein, c'est en formation, ces outils-là. On les développe, on tente de comprendre aussi comment les gens peuvent recevoir ce genre d'outils et en même temps comprendre aussi la portée de ces outils pour un futur proche au niveau du développement des valeurs culturelles des territoires. Je ne sais pas, est-ce qu'on pourrait, par exemple, cartographier des événements culturels qui sont temporels? Oui, il y a des outils déjà actuellement qui sont exploités. Je regarde à Montréal, il y a des cartes qui ont été développées, des outils qui ont été développés pour mettre en valeur des événements culturels, que ce soit le festival de jazz ou autre. Donc, c'est à ce niveau-là, la technologie nous permet de mettre, si on veut, en ligne ou en valeur le territoire par rapport à ses activités. L'enjeu, c'est de s'assurer d'une mise à jour. Lorsqu'on a un festival ou un événement culturel, c'est très éphémère, hein, le temps du festival. C'est sûr qu'on peut revoir par la suite ce que peut être ce même festival, mais l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui, au jour le jour, évolue, avec lequel les gens peuvent interagir et qu'on s'assure de la qualité et de la mise à jour de l'information. Ça, c'est le grand défi. Et c'est le côté participatif dont on parlait tantôt. Dans le fond, l'idée, c'est qu'on met en place un outil, mais que l'outil n'est pas seulement propriété d'une entité, mais propriété de la communauté. Donc, tout le monde peut y aller de ses suggestions. Donc, ce qui fait que l'outil va être en constante évolution dans la mesure où il y a un monitoring qui se fait justement de ces propositions-là. Oui, mais il y a un autre élément aussi très important. Dans tous ces outils un peu participatifs qu'on retrouve sur Internet, ce qui est important lorsqu'on parle de valorisation de la culture ou du travail d'artistes et autres, c'est de s'assurer un peu du droit d'auteur aussi. Donc, c'est-à-dire lorsque les artistes, à travers ces outils, vont présenter soit des œuvres, des lieux ou autres, c'est important qu'il y ait à ce moment-là une forme de label, une forme d'éthique qui protège l'information qu'on met en ligne. Donc, s'assurer de la véracité d'une donnée, c'est une chose. S'assurer aussi de pouvoir rendre à l'auteur ce qui lui revient. C'est aussi un autre élément de ce type de cartographie. C'est de valoriser à la fois la dimension culturelle, mais s'assurer à ce moment-là qu'on peut on peut valoriser aussi la propriété intellectuelle rattachée à l'information qu'on va diffuser. Et tout ça devient, j'imagine, est-ce que vous avez pu observer déjà dans les expériences que vous avez menées ou qui ont été menées, qu'il y a une incidence sur le développement régional? Bon, on pense d'un côté dans les régions plus rurales qui cherchent des moteurs de développement économique, mais aussi sinon à l'échelle d'un quartier, j'imagine, dans une ville comme Québec, ça pourrait s'appliquer. C'est ce qu'on vise à faire à l'heure actuelle. On est dans les premiers balbutiements, hein. C'est un petit peu ce que je vais présenter jeudi. C'est certain que les questions que vous posez sont tout à fait à propos. C'est que nous, c'est ce qu'on cherche aussi à voir, comment ce genre d'outils, ce type de cartographie socio-culturelle pourrait favoriser le développement des territoires, la valorisation des patrimoines de ces mêmes territoires-là et autres, et comment ces nouveaux produits pourraient assurer à ce moment-là un développement culturel, une valorisation culturelle des territoires, avec évidemment la contribution des citoyens, des citoyennes qui habitent ces mêmes territoires. Et tout ça en rendant plus visible, dans le fond, des segments qui sont moins visibles pour l'instant. Oui, on entend beaucoup parler de la ville numérique, la ville intelligente et autres, mais la ruralité n'est pas aussi gâtée, je dirais, en termes de connectivité, etc. C'est sûr qu'avec des produits comme ça, ça stimule aussi le développement des technologies de l'information en milieu rural, et ça peut permettre aussi une autre forme de développement de ces mêmes territoires à travers les technologies de l'information. Je suis pas certaine, je pense que vous en avez parlé au début là, de l'entrevue, mais cet outil cartographique pourrait servir pas qu'au Québec, là, mais vous pourriez exporter l'expertise. Ah, mais c'est déjà fait. Oui, mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est que nous, au niveau universitaire, au niveau de la recherche et du développement, on développe des outils qu'on dit génériques, c'est-à-dire les concepts, la méthode et autres, tout ça est exportable et bien souvent reprise par l'industrie qui, elle, va développer des applications qui vont s'en suivre par après et vont chercher à ce moment-là à diffuser le tout. À la base, on est dans des travaux de recherche, on est dans des travaux d'expérimentation, mais une fois qu'on peut faire la démonstration, le transfert se fait vers les communautés, les collectivités, l'industrie, et c'est sûr qu'à ce moment-là, ces outils-là deviennent accessibles et sont mis en marché, ou par exemple. Mais c'est sûr qu'on travaille, nous, dans une optique où la base des technologies utilisées, ce sont des logiciels libres, la plupart, de manière à rendre accessibles, premièrement, les technologies. Par après, l'information, c'est la propriété des gens qui mettent en place cette information. Donc, nous, on n'a pas aucun droit de regard à ce niveau. Mais c'est sûr qu'on travaille dans le sens de transférer tout ça auprès des communautés. Et Alain Villot, vous l'avez mentionné, la conférence jeudi, bien, c'est un phénomène en balbutiement, donc ça va être une opportunité pour les gens d'avoir un contact peut-être un peu plus précis, peut-être un peu plus détaillé, approfondi avec cette thématique qu'est la cartographie culturelle. Oui, puis en fait, mon optique, moi, c'est un peu de vulgariser tout ça, sans entrer dans les bases techniques de la géomatique et de la cartographie, mais c'est un peu de présenter avec des exemples et tout. Qu'est-ce qu'on entend par cartographie au service des enjeux culturels ou socioculturels des territoires et comment on peut déjà à l'heure actuelle avec certains outils disponibles sur le web, on peut se familiariser avec ce genre d'enjeux et peut-être initier par la même occasion éventuellement des projets de mise en place de ce genre de cartographie. Alain Villot, professeur au département de sciences géomatiques à l'Université Laval, merci beaucoup. Merci à vous et bonne journée. Bonne journée, mais je rappelle que la conférence aura lieu jeudi le 22 septembre de 19h à 20h30. Merci beaucoup Raymond Poirier. Ça fait plaisir, la conférence est à la bibliothèque Gabriel Leroy. Si les gens n'ont pas eu le temps de tout noter d'ailleurs, c'est itis.laval.ca pour avoir toutes les informations. C'est gratuit. C'est gratuit. On aime ça. Merci Raymond encore une fois, on se reparle le mardi prochain.